toutes et à tous, merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Gemozo pour l'émission La parole est à vous. Avec deux invités qui vont se présenter. On va parler aujourd'hui sophrologie et puis les objectifs bien sûr de la sophrologie, comment qu'elle est employée. Voilà, avec... Bonjour. Vous présenter. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Chamberlain. Je suis sophrologue depuis maintenant un peu plus de 10 ans et je pratique donc dans divers champs d'application. J'accompagne les personnes de tout âge, que ce soit l'accompagnement à la naissance jusqu'à l'accompagnement à la fin de vie et toutes les phases de la vie donc qui sont entre ces deux phases-là. Bonjour. Moi, c'est Aurélie Poulain, je suis responsable départementale pour le groupe associatif Ciel Bleu. Donc, c'est une association d'enseignants en activité physique adaptée et donc on est amené également à travailler avec Jocelyne Chamberlain, sophrologue. D'accord. Eh bien, la sophrologie, qu'est-ce que c'est exactement? Je crois qu'on a eu l'occasion de faire une émission dans ces studios, mais c'était... Il y a bien des années en arrière, c'était vraiment le début de la sophrologie dans les Vosges. D'ailleurs, je me demande si ce n'était pas Meurthe et Moselle-Land qui était venu nous expliquer ce qu'était la sophrologie à l'époque. Je laisse la parole à Jocelyne. Merci Michel. Mais en fait, c'est une méthode douce de travail sur soi. On utilise en fait notre respiration de manière consciente. Ces respirations ont une intention. On ajoute à ces respirations des mouvements qui eux aussi ont une intention. Et cette partie s'appelle la relaxation dynamique parce qu'on est encore dans un certain dynamisme. Et la seconde partie de séance de pratique, on tente de relâcher nos tensions musculaires, donc vraiment pour détendre notre corps un tant soit peu. Et on travaille sur des images positives en lien avec le besoin de la personne, parce que la sophrologie, c'est l'ici et maintenant. Et bien sûr, comment préparer cette séance? On commence aussi par un échange avec la personne ou le groupe que l'on accompagne. Et cet échange et ce recueil de données permet de construire cette séance. Et ensuite, on a encore une part d'échange après la séance pratique, voilà, qui permet de savoir un peu comment la personne se sent et ce que lui a apporté dans cette séance la sophrologie. Vous parlez de groupe. Le groupe peut être plus ou moins important. Alors en fait, les séances collectives, dans un idéal, se pratiquent entre 10 et 12 personnes. Quand on met des projets en place, on ne sait jamais exactement combien on aura de personnes. Par exemple, le projet qu'on a mis en place Sophrociel avec ma partenaire Aurélie Poulain, actuellement on a 24 personnes sur Cornimont. Et on ne refuse pas les personnes parce qu'on sait les bienfaits de l'activité physique adaptée et de la sophrologie qui sont indissociables pour nous deux. Et donc on ne refuse pas quelqu'un. Dans l'idéal, on ne s'attendait pas à un tel succès. Dans l'idéal, on aurait créé autrement deux groupes de sophrologie. Mais ça, voilà, c'était la première fois qu'on mettait en place. Mais Aurélie vous parlera tout à l'heure de l'association, de ses projets et de ce qui existe déjà. Parce que vous exercez au niveau associatif ou un libéral. Oui. Ça veut dire que comment vous êtes connu, comment les clients arrivent chez vous, les patients plutôt, je devrais dire, arrivent chez vous. Bien, en fait, c'est le bouche à oreille. Au départ, j'ai rencontré 2-3 personnes. J'avais un cabinet à Cornimont. Ces personnes donc sont venues me voir dans le cadre de ma pratique. Et puis, ça a fait boule de neige, en fait. Mon souhait était, à long terme, d'accompagner les personnes fragilisées, soit fragilisées par la précarité, soit fragilisées par la maladie, fragilisées par le vieillissement, donc... J'accompagne aussi des personnes en bonne santé, mais c'est vrai que mon souhait étant d'accompagner les plus fragilisés, nous sommes vraiment dans ce champ d'application avec Aurélie. Et nous essayons également, ce qui nous tient à cœur, d'obtenir des financements pour ces accompagnements, pour que vraiment il y ait un reste à charge au niveau des personnes qui soit minime et que la sophrologie soit ouverte à tous. Est-ce qu'il y a un partenariat avec les soignants, les hôpitaux ? Alors, les hôpitaux, généralement, forment leurs propres soignants, mais ne sont pas fermés à l'application de la sophrologie dans leurs établissements. Il m'est arrivé d'intervenir auprès des personnes, des résidents, dans certains EHPAD, et également d'intervenir... Dans Suite Cornimont, certainement. Alors non, pas Suite Cornimont, et pour le personnel soignant. Et je suis intervenue pour le personnel soignant de l'EHPAD des Saules, à Saulxures, il y a quelques années maintenant, début d'activité. Et j'interviens aussi, j'accompagne le personnel des SIAD et des EHPAD avec lesquels je suis partenaire. Et donc... Le profil des personnes qui recourent à vos services, c'est un peu... C'est tout type de personnes. Pour vous donner un exemple de cette semaine, j'ai accompagné des enfants dans le cadre de la périscolarité. Donc j'ai accompagné des enfants entre 3 et 10 ans. La veille, j'avais accompagné des ados qui, eux, avaient entre 11 et 16 ans. J'accompagne également au domicile des patients. Je me déplace dans un rayon de 50 à 60 km autour de Cornimont. Donc souvent, ce sont des patients ou leurs aidants qui ne peuvent plus se déplacer. Leur pathologie l'empêche et je vais sur leur lieu de vie. J'ai accompagné aussi des groupes collectifs, des séances collectives. J'ai des centres culturels avec lesquels je travaille maintenant depuis pas mal d'années, par exemple Suite Cornimont depuis 8 ans. Et j'accompagne aussi avec des associations de malades. Donc j'ai un projet là tout qui est déjà préparé, qui est validé et que l'on va débuter à Cornimont et au Val d'Ajol pour accompagner les personnes atteintes ou en rémission de cancer. Voilà, on a un projet également avec les personnes atteintes de sclérose en plaques, donc avec Aurélie. Des personnes atteintes aussi d'autres troubles neurologiques, comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. La sophrologie a vraiment un champ d'application illimité. Et elle se pratique uniquement dans une écoute attentive, une bienveillance, le respect et bien sûr la confidentialité, qui sont essentielles. Et vos rapports avec l'assurance maladie ? Ah, l'assurance maladie, c'est tout un programme. La sophrologie n'est pas reconnue comme pratique par l'assurance maladie. Elle est reconnue depuis plusieurs années par certaines mutuelles. Elle n'est pas partie de la nomenclature. Non, elle n'est pas inscrite à la nomenclature. Par contre, depuis maintenant une dizaine d'années, elle est reconnue auprès de certaines mutuelles qui la prennent en charge dans une certaine limite de séance et dans une certaine limite de tarif, au même titre que l'ostéopathie, que la chiropractie. Et donc, c'est la directrice de l'école dans laquelle je me suis formée qui a créé l'Observatoire national de la sophrologie et qui a pu mettre en place auprès des instances beaucoup de choses. Et nous sommes maintenant reconnus depuis 2011 comme sciences humaines. C'est-à-dire qu'on a vraiment un rôle important et ce rôle de reconnaissance, on le travaille tous les jours, justement, pour peut-être un jour être reconnu par l'assurance maladie, tout comme pour reconnaître également l'activité d'Aurélie, l'activité physique adaptée, vraiment comme pratique très complémentaire aux autres traitements médicaux, même si nous, on est dans l'accompagnement santé pour Aurélie et bien-être pour moi. Mais je pense que d'ici à une dizaine d'années, on se reverra peut-être d'ici là, mais on aura bien avancé à ce niveau-là. Vous restez optimiste. Ah oui. Ah bah c'est important. Mais c'est vrai que ça devrait faire partie aussi d'une forme de prévention. Tout à fait. C'est curatif, mais c'est aussi une forme de prévention, parce que, si j'ai bien compris, vous intervenez aussi auprès des soignants pour atténuer leur charge mentale. Tout à fait. C'est vrai qu'on travaille en sophrologie. Leur charge mentale ou bien les difficultés qu'ils peuvent retrouver par rapport aux relations. Oui, tout à fait. Des collègues. Et puis aussi, on accompagne les douleurs physiques, on accompagne les troubles musculo-squelettiques en justement proposant à la personne de se détendre, proposant à la personne vraiment d'acquérir des outils très simples de la sophrologie pour pouvoir faire son métier auprès des personnes fragilisées. Donc on va accompagner les enfants également pour les enfants à partir du moment où ils sont mobilisés. Ils connaissent leur droite, ils connaissent leur gauche. On peut travailler avec eux tout d'abord en relaxation et puis après en sophrologie dès 7-8 ans en fonction de leur maturité. Et ce, jusqu'à la fin de la vie. J'accompagne aussi des personnes en fin de vie. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et vraiment, c'est applicable à beaucoup de personnes parce que c'est vraiment une pratique très bienveillante. On est vraiment dans la prévention et dans l'accompagnement de la maladie. Est-ce que par rapport aux troubles, aux troubles nerveux, aux troubles musculo-squelettiques, est-ce que vous avez pu constater une recrudescence de ces troubles-là depuis que vous exercez ? Tout à fait. Si on parle du personnel soignant, le personnel soignant présente de plus en plus de burn-out, de problèmes physiques, donc de troubles musculo-squelettiques. Donc je pense que oui, en quelques années, j'ai peu de recul, j'exerce depuis 2009, ça fait une dizaine d'années, oui, effectivement, recrudescence aussi des maladies, ou alors plutôt peut-être aussi plus de reconnaissance de la sophrologie et comme quoi elle accompagne vraiment des pathologies très lourdes et qu'elle peut être aussi une pratiquer régulièrement et à la mesure de ses possibilités, elle peut vraiment accompagner beaucoup, beaucoup de troubles, effectivement. Mais oui, une recrudescence des personnes malades, une recrudescence de burn-out, une recrudescence de troubles musculo-squelettiques, effectivement. Donc un accompagnement aussi dans les entreprises. On va peut-être commencer à parler des jeunes, hein, des petits-enfants en particulier. Lors d'un magazine santé, puisque là, tous les mois, nous avons un magazine santé avec un partenaire, Jean Tisserand, ex-gynécologue à l'hôpital de Remiremont, et puis l'association ADEMAT, bien sûr. Et constat du docteur Tisserand, docteur Henri, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont hyperactifs aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lutter contre ce phénomène qui semble quand même assez préoccupant. Tout à fait, c'est vrai que je me rends compte également, on va parler d'addiction, je parlerai plus d'addiction que d'hyperactivité. D'addiction, lui aussi. On est, alors, hyperactivité effectivement, mais addiction à tout ce qui est écran, qui crée aussi de l'hyperactivité, parce que j'accompagne des jeunes, j'accompagne des enfants qui ne quittent pratiquement pas leur téléphone portable ou leur tablette, et viennent me voir, enfin les parents viennent me voir pour accompagner une certaine agressivité. Et une des premières choses que je demande, c'est de me décrire le lieu de sommeil de l'enfant ou de l'adolescent. Et souvent, il y a téléphone portable, tablette, quand il n'y a pas de télévision en plus. Et on ne pourra pas travailler tant que, ensemble avec ces familles, tant que ces écrans n'auront pas été retirés du lieu de sommeil. Accessible, c'est addictif. Ouais, pour essayer d'accompagner cette addiction et qu'en tout cas on arrive à la faire diminuer. Donc moins d'addiction, moins d'hyperactivité. Et ce que j'ai remarqué aussi et ce qui m'inquiétait beaucoup, j'ai accompagné pendant 4 ans à Cornimont les enfants dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, oui, qui sont terminées maintenant. Et oui, hélas. C'est que les enfants, même en période de vacances, ne prennent pas de repos. Ils ont un agenda de ministre avec tout un tas d'activités et quand on leur demande, moi je leur demandais systématiquement, qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances? Bah, c'était du ski, de la marche, je pars, je fais ci, je fais ça. Et il y a très peu d'enfants sur les 4 ans de pratique qui me disaient, bah, moi je ne sais pas et je ferais peut-être rien. Et ne rien faire, ça ne fait plus partie de notre société. Alors qu'il est important, à certains moments, de ne rien faire pour restaurer notre énergie et puis pour récupérer tout simplement physiquement aussi. Et surtout mentalement. Des périodes de détente, de vraie détente. De la vraie détente, un vrai moment où on va déconnecter comme si on avait un bouton off en fait. Et on a l'impression qu'on ne fait rien, or on fait beaucoup. Beaucoup dans ces moments de détente. Ça peut passer par la méditation, par observer le paysage dans le cadre de promenades. Moi je fais souvent des séances à l'extérieur. Quand il fait beau, je fais de la marche consciente avec mes patients. Vraiment pour pour se dire, ouais, on est entouré de tout un tas de belles choses. Profitez-en, c'est ça qui va vous ressourcer. Et puis méditer, le c'est contact pas avec la nature. Le contact avec la nature est très important, tout à fait. Et puis méditer, c'est très simple. Hein. Je fais pas de la méditation transcendantale, hein, pas du tout. Elle est appliquée vraiment à l'Occident. Les personnes qui se posent, qui observent ce qu'il y a autour d'elles, mais qui observent aussi ce qui se passe en elles dans ce moment de détente, rien que pour elles. Et le faire 5 minutes par jour, c'est déjà très, très bénéfique. Faire des respirations de sophrologie, additionner à ces moments de méditation ou de marche consciente, là, on a déjà un bon cocktail pour prendre soin de soi, tout simplement, sans passer par une détente complète du corps, par tous ces exercices. C'est déjà quelque chose pour prendre soin de soi. Dans les années 70, on parlait beaucoup de méditation transcendantale. Oui. Alors, la méditation transcendantale, ça va bien au-delà de la méditation que l'on pratique, enfin que je pratique. Ça va bien au-delà au niveau esprit, parce que c'est, je pense, ne pas me tromper, atteindre un niveau d'éveil, hein, se rapprochant du bouddhisme. On n'est pas tous faits pour cette pratique. C'est pour ça que la simple méditation de se poser... Puis la vie moderne ne favorise pas du tout ça. Voilà. Alors en Occident, non. En Orient, oui. Surtout en Asie, ils favorisent ça. Ils travaillent 17 heures par jour et ils font des pauses méditation, des pauses arts martiaux, des pauses... Ils prennent soin d'eux. Ils sont dans la santé et dans le bien-être beaucoup plus que nous. Et ils font 17 heures à 18 heures par jour, ce qui prouve qu'ils restaurent au fur et à mesure leur corps, leur pensée. Nous, on a tendance à décharger totalement notre batterie, à ne pas faire attention aux mots qui nous touchent, mots M-A-U-X, et aux premiers signes de ces mots qui sont vraiment très préliminaires à certaines maladies qui arrivent ensuite. On ne prend pas soin de nous, on ne nous apprend pas. Il faut toujours avancer. D'où cette hyperactivité aussi dont on parlait tout à l'heure. Chez les enfants, en particulier. Ouais, déjà chez les enfants, mais les adultes aussi. Il y a beaucoup d'adultes hyperactifs. Beaucoup d'adultes ne se posent pas non plus. À partir de quel moment on a puisé ces ressources, on pourrait dire nerveuses, mentales? Alors les ressources mentales, c'est, je dirais, les premiers signes, je ne pense pas non plus me tromper, c'est avoir du mal à se concentrer, être fatigué, moins mémorisé. C'est les premiers signes au niveau mental. Le sommeil également. Alors le sommeil est atteint aussi, donc quand on ne restaure plus notre corps, notre pensée, parce que le sommeil est très important, on doit d'ailleurs faire une intervention avec Aurélie sur le sommeil. On n'est pas des spécialistes du sommeil, mais de par notre métier, on peut accompagner aussi les troubles du sommeil. On va aussi, effectivement, ça impacte le sommeil, et quand on ne dort plus correctement, voire quand on devient insomniaque, qui est vraiment un stade très avancé du manque de sommeil, on ne restaure plus et on entre dans une spirale infernale. Après, il y a aussi, au niveau du corps, l'activité physique qui est très importante. Faire une marche en forêt, tout simplement, pendant une demi-heure, en se posant, en étant conscient de ce qui nous entoure, va aussi restaurer notre corps, va aussi restaurer notre mental. Et ça va aussi impacter notre émotionnel. On va être moins irritable, on va être plus détendu. Donc, on est vraiment un être global, fait de pensées, d'un corps et d'émotions. Et si on agit sur un des domaines, on va forcément agir sur les autres aussi. Quitter un moment d'existence, des moments d'existence qui peuvent apparaître artificiels, la plupart du temps, ben oui, on est devant des instruments, des tablettes, sais-je encore, un téléphone portable. Et puis là, je crois que certains moments de la journée, il faut savoir complètement évacuer. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui est important, c'est aussi de déconnecter. On a l'impression, comme on est en lien par ces réseaux sociaux avec d'autres personnes, mais c'est un lien totalement virtuel. C'est-à-dire que rien ne vaut de quitter chez soi, de fermer la porte. C'est artificiel par rapport à la vraie vie. C'est pas de la relation humaine et c'est pas la vraie vie. Je vais pas critiquer un certain réseau social, mais le terme ami, pour moi, m'horrifie. Les amis des amis, la plupart des personnes vont avoir 400, 500 amis. Je ne parle pas d'association, voire quelques milliers, mais ils ne les connaissent pas. Et ce n'est pas ça qui crée vraiment du lien social. C'est artificiel. Le fait de créer du lien social, c'est par exemple se rencontrer comme ce matin. C'est physique, c'est avoir des partenariats comme je peux avoir. Et ça aussi, c'est physique. On réfléchit ensemble, on vit ensemble. C'est le vivre ensemble, hein, tout simplement, qui est important. C'est pour ça aussi qu'on essaye de privilégier dans notre radio locale de vraies rencontres, où on peut vraiment s'exprimer pendant un certain temps et non pas une interview qui dure 5 ou 10 minutes. Voilà, on va peut-être s'interrompre justement, se relaxer un petit peu avec une pause musicale. Tu pourrais nous la présenter, cette pause musicale ? Alors, c'est la chanteuse Enya et la chanson que j'ai proposée de passer sur cette radio. C'est la musique, en fait, du Seigneur des Anneaux. Et je trouve qu'elle peut être utilisée aussi en musique de relaxation. Je n'en utilise pas dans mes séances. Par contre, ce sont des musiques que j'utilise pour moi. Je fais beaucoup de routes et je les écoute dans ma voiture, ce qui procure un bon état de relaxation tout en restant en pleine conscience. May it be an evening star. Eh bien voilà, nous poursuivons cette émission sur la sophrologie avec Jocelyne, qui va nous parler maintenant un petit peu de la manière de pratique des séances de sophrologie. Hein, parce qu'on a vu un petit peu à quel public ça s'adressait, à quelle pathologie ça pouvait s'adresser aussi. Enfin, le terme pathologie, c'est peut-être pas le mieux. le terme le plus approprié pour décrire certains troubles de la personnalité, certains troubles nerveux, etc. C'est vraiment un accompagnement, bien physique. En fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Troubles psychologiques, effectivement. C'est vrai que on intervient vraiment dans, comme je disais tout à l'heure, hein, de la naissance, hein, l'accompagnement. Enfin, de la vous intervenez là, quand même dans certaines pathologies. Voilà, certaines pathologies et comme je disais tout à l'heure également auprès donc des enfants, adolescents, adultes, seniors, personnes âgées, personnes malades. Mais c'est vrai que la sophrologie, elle s'applique vraiment à tout ce type de public dans la mesure où elle ne fait pas du tout appel à la force physique, mais à la force mentale, donc à l'idée volonté. Et ça, qu'on soit tout petit ou qu'on soit très âgé, la force mentale, on l'a toujours. Elle accompagne vraiment tous les bouleversements de notre vie, comme on disait tout à l'heure. Vraiment, elle permet une meilleure adaptation, qu'on ait des soucis sociologiques, hein, statut social, place dans la famille, peur de ne plus être utile, de la solitude, physiologique, le vieillissement du corps, les maladies chroniques, les dépendances, voire la perte de l'autonomie, ou aussi, comme on disait, les troubles psychologiques, les troubles cognitifs, les maladies neurogénératives, la démence. Donc ce champ d'application est très vaste. Alors décrire une séance de sophrologie, pour ma part, la séance dure 1h30. Avec cette part d'échange en début de séance, que ce soit en individuel ou que ce soit en collectif, il y aura toujours cette part d'échange. C'est sûr que quand on est à 20 personnes, l'échange sera un peu plus long pour que chacun puisse s'exprimer et que je puisse collecter les informations qui me seront données et construire ma séance en fonction pour répondre au plus grand nombre de besoins. Une chose aussi, c'est que la séance peut se pratiquer assise, en position assise, en position debout ou en position allongée. C'est vraiment adapté à l'état de santé de la personne. Une chose importante aussi, c'est qu'effectivement, elle permet, par exemple, de faire face aux situations nouvelles. Et dans notre vie, on a beaucoup de bouleversements, beaucoup de situations nouvelles. Donc, aussi, elle favorise la détente et la perception corporelle. Elle permet de gérer la douleur, le stress, les émotions, l'anxiété, tout ce qui fait partie de la part émotionnelle, bien sûr. Elle aide à vivre plus sereinement un examen médical, une intervention chirurgicale, un rendez-vous professionnel. Elle permet aussi d'accompagner la naissance et donc la grossesse de la personne en complément des professionnels de santé qui déjà accompagnent. Elle permet d'accroître son énergie, sa propre énergie, sa propre vitalité. Elle renforce sa confiance en soi, sa motivation. On travaille vraiment sur beaucoup de choses. Elle permet aussi de stimuler ses défenses immunitaires et d'activer ses fonctions physiologiques, d'où l'accompagnement auprès des malades. On va stimuler vraiment le corps. Elle est basée aussi sur la pensée positive, l'autosuggestion d'Émile Coué. Se répéter, en fait, qu'on va de nouveau... fabriquer des cellules saines quand on est atteint du cancer, que la chimio ou les rayons agissent sur les cellules malsaines, le mental a une grande importance, d'où cette idée volonté qui fait qu'on arrive à bien avancer, la douleur aussi, on la travaille mentalement. On améliore sa qualité de sommeil, bien sûr. On accompagne, et là je dis bien accompagner, la dépression, les troubles alimentaires, les dépendances, on accompagne le deuil également, ça va au-delà de la fin de vie. Quelles que soient les dépendances. Alors, alcool, on va les accompagner. Drogue, tabac. Voilà, on va les accompagner, sachant que la plus grosse dépendance maintenant, comme on disait tout à l'heure, ce sont les écrans. Bien sûr. Ce sont eux qui sont passés devant l'alcool et le tabac, donc les plus grosses dépendances dans une période antérieure. Elle permet aussi de développer sa créativité et ses capacités mentales. Et puis de permettre aussi d'avoir une meilleure connaissance de soi et des autres. Et quand on arrive à mieux se connaître, on arrive à beaucoup plus avancer aussi, à détecter, la douleur avant qu'elle ne soit trop installée, à détecter les premiers signes qui font qu'on commence à être un peu en limite de burn-out. Donc c'est vraiment cette connaissance de soi. Et une chose importante, et ça je tiens vraiment à le dire, c'est la personne, et uniquement la personne, qui a ses propres ressources internes pour arriver à tout cela. Hein, c'est le sophrologue, il n'est là que pour aider à ce que cette personne, voilà, qu'elles ont développé ses ressources, voilà, propres. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est pas le thérapeute qui fait que la personne va mieux. C'est le thérapeute qui aide la personne à avoir toutes les ressources qu'elle a en elle pour aller mieux. Alors, il y a une chose aussi, c'est que la sophrologie, pour être efficace, il faut qu'elle soit pratiquée de manière régulière et répétitive. Donc ça peut être un peu lassant, la sophrologue répète souvent les mêmes choses, mais malgré tout, c'est par cet apprentissage qu'on arrive à travailler sur soi et sur tous les domaines d'accompagnement de la sophrologie. C'est-à-dire qu'une personne qui sort d'une séance de sophrologie, elle doit faire aussi un travail sur elle-même. Voilà, on ne se voit pas tous les jours. Hein. C'est la personne qui détermine son rythme d'accompagnement. Alors, je parle en séance individuelle. Et donc, qui détermine aussi comment elle va s'entraîner. Moi, je donne mes outils pratiques qui permettent cet entraînement en dehors de nos séances. Et il y a des personnes qui me disent, bah, moi, je n'aurai pas le temps de travailler entre nos séances. Donc, on travaille à fond quand on se voit, et on se voit plus souvent. Et il y a d'autres personnes qui me disent, bah, moi, on se voit une fois par mois. Par contre, je travaille et je m'entraîne entre les deux. Et que ça soit d'une façon ou d'une autre, de toute façon, nous, on s'en rend compte en tant que thérapeute. Hein. Ça part aussi sur une relation honnête et authentique, et on avance de cette façon-là. Et puis, il y a une chose qui est importante, une chose qui me tient à cœur, c'est vraiment qu'on est acteur de notre vie. Hein, on va chercher nos ressources, on va pratiquer, c'est nous qui faisons, enfin, c'est la personne, je dis nous, mais, parce que je la pratique aussi, mais qui font le travail. Et on est acteur de sa vie, et je trouve que c'est important d'avoir sa vie en main. Ne pas se laisser surmonter par tous les simulations, les stimulations, par exemple, dans une société comme la nôtre. Mmh, mmh. Je crois que c'est important. Il arrive un moment donné où ils vont prendre un peu de recul et réfléchir. Mmh. Et je crois que c'est difficile dans notre mode de civilisation. Mmh. C'est important de se recentrer effectivement sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est soi. Alors, ce n'est pas quelque chose d'égoïste hein, comme terme. Mais disons qu'il faut déjà se recentrer sur soi pour pouvoir avancer. Pour pouvoir aussi améliorer ses relations avec autrui. Bah, tout à fait, tout à fait. Déjà, sa relation à soi-même. Bien sûr. Souvent, on n'a pas conscience. Si on parle du corps, de notre corps, on va en avoir conscience vraiment quand on va se cogner contre un angle de bureau ou contre un coin de porte. Là, on sait qu'on a un corps dans cette perception-là. Mais par contre, avoir conscience qu'on est dans notre corps, qu'on ne vit pas à côté en touriste, bah nous permet justement de déceler les prémices de certaines difficultés que l'on traverse et que ça ne vienne pas se somatiser, que ça ne vienne pas s'installer en maladie. C'est pris vraiment au préalable, d'où ce côté préventif en fait, qui est important. Prévention et pratique régulière. Est-ce que cette pratique permet, je pense, beaucoup d'améliorations, mais est-ce qu'elle permet, par exemple, je ne sais pas, un fumeur de se libérer un petit peu de cette dépendance avec le tabac? Alors, est-ce que vous avez eu des succès en la matière? Alors, c'est vrai que j'accompagne peu d'addictions. J'ai accompagné plus des enfants addictifs aux écrans. Ah oui, alors à partir du moment où tout le monde joue le jeu, donc la première chose, surtout les parents s'y retirent tous les écrans de la chambre. La chambre, c'est un lieu de repos, c'est un lieu de sommeil et non pas un lieu de stimulation. Sans compter le problème de l'électricité statique. Tout à fait que vont engendrer les écrans. Donc à partir du moment où tout le monde joue le jeu, oui, il y a des bons résultats. À partir du moment où le jeu n'est pas joué, c'est même pas la peine de continuer de venir en séance pour moi. Ça sera totalement inutile. Tout comme j'ai accompagné des addictions à la nourriture. Effectivement, la personne, j'ai accompagné deux personnes dans ce cadre-là en obtenant des bons résultats dans la mesure où les personnes ont joué le jeu. Et la pratique... la technique mise en place dans l'accompagnement des addictions de nourriture... permet voilà d'être un passage à d'autres activités, par exemple l'activité physique. Une personne qui va, quand ça ne va pas, aller ouvrir son frigo et prendre de la nourriture, si cette personne par exemple est confiée entre les mains d'Aurélie et pratique une heure d'activité physique adaptée par semaine, si elle y trouve un plaisir, elle ne va plus ouvrir son frigo. Donc moi, je vais mettre en place en amont des gestes qui vont faire que ça va on va transformer cette addiction en quelque chose. Elle va ouvrir son frigo pour le plaisir, pour se nourrir et vraiment pour quelque chose d'agréable. Et ensuite, mettre quelque chose d'agréable en place aussi, qui va remplacer l'addiction. Il y a une question, qui me taraude. Finalement, bien sûr, c'est fonction de l'individualité, mais au bout de combien de temps on peut avoir cette prise de conscience sur soi, cet éveil ? L'éveil sur soi. L'éveil c'est sur très soi, variable d'un individu à l'autre. Alors c'est très variable d'un individu à l'autre. Tout dépend si la personne écoute déjà son corps ou non. Voilà. Et on va découvrir, on va mettre en place cet accompagnement à différents stades de cette découverte. Si on met en place, si la personne est très consciente d'elle-même, se connaît déjà bien, on va mettre en place très tôt cet accompagnement, qui aura donc un effet bénéfique, rapide, entre guillemets, en fonction de l'entraînement, en fonction de l'authenticité de la relation. Si la personne a toujours repoussé ses limites, comme on nous apprend un peu en Occident, je parlais tout à l'heure d'aller décharger complètement notre batterie, c'est sûr que ça peut être un accompagnement pathologique. Sans parler, bien sûr, de la compétition individuelle. Sans parler en plus de la compétition individuelle, tout à fait. Donc ça peut être vraiment très diversifié en fonction de la personne. On est tous différents. Donc forcément, on met en place l'accompagnement à un moment différent. Celui de la prise de conscience. Ça peut être une émission qui va faire prendre conscience à la personne. Ça peut être une rencontre. Ça peut être, c'est souvent d'ailleurs une rencontre. Ça peut être aussi le médecin qui va accompagner cette personne dans certains troubles et qui va dire... Mettons pour l'arrêt du tabac, là il faut arrêter de fumer, parce que vous vous mettez en danger, et diriger vers un addictologue, j'ai bien dit accompagner, j'ai pas de baguette magique, je suis pas la fée clochette, je l'aime beaucoup, mais je suis pas la fée clochette, donc vraiment voilà, c'est un réseau qui se crée autour de la personne, où le médecin, qui est quand même au centre, et qui voit le patient, va diriger vers des professionnels médicaux, paramédicaux, et d'accompagnement autres que paramédicaux et médicaux, comme la sophrologie, comme l'activité physique, comme d'autres activités qui vont faire qu'on va y arriver tous ensemble. Mais tout part de la volonté du patient et de sa connaissance de lui-même. Notre civilisation n'est-elle pas dirigée des patients qui souffraient, par exemple, puisqu'on parle aussi de souffrance, vers des traitements. On dit qu'en France, on est les premiers consommateurs de tranquillisants au monde, en rapport à la population, on a beaucoup aussi, on commence aussi à prendre conscience des dangers des opiacés. Mmh. Quelle est votre position par rapport à tout ça? Qu'est-ce que peut apporter la sophrologie justement pour remplacer un petit peu les médicaments? Alors surtout, je serais très prudente par rapport au fait de remplacer. On ne remplace pas un médicament. On arrive, nous, en complémentarité. C'est-à-dire, si je reviens sur les personnes atteintes de cancer, c'est pas sophrologue qui va remplacer la chimio et les rayons. Ça, c'est un traitement qu'il faut suivre, poursuivre. Mais on peut améliorer... Ni les opiacés, tout à fait. Quel que soit le traitement, la souffrance est trop importante. Ouais, on parlait aussi d'antidépresseurs et d'anxiolytiques et de neuroleptiques. On peut limiter, c'est-à-dire qu'une personne, avec la sophrologie, avec l'activité physique et toute autre méthode de bien-être et de santé, va arriver à décrocher, entre guillemets, de l'accoutumance qu'elle a de son traitement antidépresseur. Alors déjà, un traitement, il ne faut pas l'arrêter de manière brusque. Donc c'est vraiment un accompagnement au long cours, avec vraiment un accompagnement de la part des professionnels de santé. Et aussi, bien évidemment, au centre de tout ça, l'accompagnement, le patient. C'est lui qui va arriver avec son médecin et avec nous, pratiquants de bien-être ou d'activité physique, à équilibrer tout ça. Mais surtout, ça ne remplacera jamais les traitements médicamenteux. Par contre, ça peut, ça c'est certain, les alléger. Et c'est ça c'est cette notion qui est importante. On ne vient pas remplacer les traitements, surtout pas. Ça serait un danger, on mettrait la vie de la personne en danger, et surtout, ce n'est pas le but. Par contre, l'accompagner, l'apprendre à se détendre. Une personne qui a été opérée, qui a été amputée d'un membre par rapport à sa pathologie, l'accompagner dans cette transformation physique, l'accompagner à accepter son corps. Par exemple, le phénomène du membre fantôme et la douleur du membre fantôme, ça, on peut l'accompagner, on peut accompagner beaucoup beaucoup de choses. Comme c'est cette idée volonté qui va travailler sur. Moi, je dis toujours, pensez à vos pensées. Si vous vous dites, j'y arriverai pas, vous n'y arriverez pas. Votre mental va faire tout pour que vous n'y arrivez pas. En fait, se dire que vous allez y arriver, pas que vous allez guérir, on ne parle même pas de guérison, mais que vous allez y arriver, arriver à agir sur vous-même, va faire que, donc restez acteur de votre vie, et bien sûr en complément des autres professionnels de santé ou d'activité non thérapeutique. Voilà. On va peut-être accorder une pause avant de passer la parole à Aurélie. Tu as choisi. Alors, c'est donc les sources de vie. Et en fait, c'est une musique qui s'appelle Naissance. Et comme on accompagne du début de la vie à la fin de la vie, ben voilà, là on est dans la part naissance. Et effectivement, je vous laisserai la parole à ma partenaire Aurélie, qui vous parlera et de son association et du projet commun qu'on a mis en place et qui est en activité, et ce à venir. Merci de votre écoute, merci de votre invitation, et à bientôt. À tout de suite, plutôt. Thank you. Ben voilà, on a écourté la pause musicale, c'est pas dans nos habitudes, mais comme elle est assez longue, et puis c'est une musique essentiellement de relaxation, on pourrait dire. Quelques commentaires par rapport à ça, avant de passer la parole à Aurélie. Alors c'est vrai que ces musiques, on en entend rarement. Comme je disais, je ne les utilise pas dans ma pratique, ou très rarement. Parce que les séances sont accompagnées de musique ? Non, pas forcément. C'est très rare. La voix. La musique et la voix sont des ondes. Mais la sophrologie est plus essentiellement guidée par la voix. Il m'est arrivé, avec les enfants, de mettre une petite musique douce en fin de séance. Ou même avec des adultes qui avaient des soucis, avec beaucoup d'agitation autour d'eux, ou beaucoup d'événements... grave, on va dire, de mettre sur les 5 dernières minutes de la séance de la musique douce, de la musique qu'on vient d'entendre, par exemple. Mais c'est vrai qu'on en entend très peu. Or, ces moments de calme font aussi du bien à l'esprit et permettent de se poser. Puis au sophrologue aussi. Et puis au sophrologue, voilà, moi j'écoute beaucoup si en voiture. C'est quand même difficile, ça doit être difficile pour une sophrologue de pouvoir... d'intérioriser quelque part, enfin vous n'intériorisez pas quand même toute cette souffrance autour de vous, vous arrivez quand même à faire la part des choses. Alors je me ressource beaucoup, c'est vrai que je suis quelqu'un qui ne me protège pas, entre guillemets, qui suis vraiment en lien avec les personnes, puis c'est pas mon choix de me protéger de mes patients. Par contre, je me ressource beaucoup, et au fil des années, je me ressource de plus en plus dans la nature, et c'est ça qui fait que ça va apporter un équilibre entre ma pratique d'accompagnement de pathologies lourdes et cette nature qui est là pour ressourcer, parce que je respire beaucoup également, donc j'élimine ce que je porte en moi, qui m'a été confié par les personnes, et je recharge, je restaure avec toute cette énergie qui nous entoure, et ça c'est vraiment précieux. C'est là, il faut beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup d'énergie, effectivement, et beaucoup de ressourcement, mais c'est quelque chose qui me passionne. Puis je vais peut-être laisser la parole à ma partenaire pour justement qu'elle puisse exprimer aussi cette complémentarité et nos deux pratiques qu'on qualifie toutes les deux d'indissociables. Alors bonjour. Donc comme j'ai dit au début, je m'appelle Aurélie Poulain et je suis responsable départementale pour le groupe associatif Ciel Bleu. Donc Ciel avec un S, à ne pas se tromper avec le Ciel Bleu qu'on a aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, c'est une association nationale à but non lucratif. Donc, on est tous des enseignants en activité physique adaptée. Donc, on est tous diplômés de la faculté de sport, STAPS, que vous connaissez peut-être. Et on utilise cet outil... C'est régionalisé. Comment ? C'est régionalisé, ces facultés de sport. Il y en a, par exemple, là, il y en a une à Nancy. Mais oui. Oui, il y en a même plusieurs par région, des fois. C'est un CREPS ? Non, rien à voir. Rien à voir. Il y a le CREPS, c'est pour le sport de haut niveau, les personnes qui sont dans le haut niveau. D'accord. Et qui font les études à côté. Et nous, faculté de sport, ça permet à des personnes, par exemple, d'être éducateurs sportifs, donc dans les écoles, dans les fédérations, donc clubs de ping-pong ou volley, mais aussi dans les salles de sport. Et puis, il y a aussi une branche dans le management et dans l'activité physique adaptée. Et cette branche, elle est toute nouvelle. Elle ne date pas très longtemps. Et donc, voilà, on utilise l'activité physique adaptée comme moyen thérapeutique pour vraiment, dans l'objectif de faire de la prévention santé, le maintien des liens sociaux, le maintien de l'autonomie des personnes à domicile. Et voilà, donc on va travailler sur le côté physique, mais aussi sur le bien-être des personnes, donc le côté psychologique et le côté social pour faire des rencontres. Donc voilà. Ça s'adresse à quel public ? Alors, avec le diplôme que l'on a, du coup, on peut intervenir auprès de publics qui sont dits fragilisés, donc un peu comme Jocelyne Chamberlain. Et puis aussi en situation de handicap. Donc dans les Vosges, on a les seniors, personnes âgées. Et puis on retrouve des pathologies un peu communes, maladie d'Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, cancer. Et vraiment plein d'autres, obésité, diabète. D'autres troubles neurologiques. Ouais. D'autres pathologies et troubles neurologiques, ouais. Exactement. Alors, c'est quoi exactement le projet commun, là ? Alors, effectivement, donc, on a un projet commun avec Jocelyne, parce que quand on s'est rencontrés, on s'est très vite rendu compte qu'on avait les mêmes valeurs, c'est-à-dire on met au cœur de nos interventions, de nos actions, le bénéficiaire ou le patient. Et donc, on a décidé de travailler ensemble parce que l'activité physique et la sophrologie apportent des intérêts communs pour les personnes, donc d'où le bien-être, par exemple, le bien-être physique ou psychologique ou mental pour la sophrologie. Et donc, en trouvant des moyens financiers, on a réussi à développer un projet qui s'appelle Sophrociel. Donc, on a voulu mélanger un petit peu le nom de l'association et de la sophrologie. Ciel, je suppose que c'est des initiales. Oui, c'est pour sport, initiative et loisirs. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Et donc le projet, on propose des séances en alternance d'activités physiques adaptées et de sophrologie. Donc une semaine sur deux, c'est soit l'une ou l'autre des activités. Comme ça, les personnes retrouvent vraiment ces deux activités complémentaires et peuvent trouver des bénéfices à ces deux activités. Et le projet qu'on a mis en place est dirigé vraiment cette fois-ci pour les seniors, personnes âgées avec ou sans pathologie. Il peut y avoir des deux parce qu'on est également sur la prévention santé, donc on peut également intervenir en amont qui est un souci ou une maladie particulière. Travailler sur des groupes ? Oui. Et un partenariat avec d'autres associations, comment ça se passe exactement ? Oui, et là, le projet, effectivement, c'est sur du collectif. Donc, elle l'a dit tout à l'heure, Jocelyne, là, on l'a mis en place sur la commune de Cornimont, où on a maintenant plus d'une vingtaine de personnes inscrites, donc ça a très bien marché. Et on va également... Il y a des groupes d'âge, quand même ? Alors, là, le financeur, qui est le conseil départemental, nous a dit que c'était dirigé pour les personnes de plus de 60 ans retraitées. Donc là, effectivement, on est sur senior, mais ensuite, ça va de 60 ans à 90 ans. Voilà, bien donc sûr. Senior, personne âgée, mais effectivement, il faut que les personnes soient retraitées pour participer à ce projet-là, en tout cas. Et là, le financement, c'est le conseil départemental. Oui, il y a un gros financement du conseil départemental. Donc, c'est une branche qui s'appelle la conférence des financeurs. Ils font régulièrement des appels à projets pour les associations ou pour les personnes en libéral. Et donc, on y répond à ces appels à projets. Et puis ensuite, ce conseil départemental ou cette conférence des financeurs décide ou non de nous accorder un financement. Sur des associations locales, sur des municipalités pour... développer vos projets. Oui, oui, bien sûr. Générations spontanées, ça n'existe pas beaucoup. Non. Donc là, effectivement, c'est appuyé sur Jocelyne Chambellin. C'est que lorsque je l'ai rencontrée, qu'on a décidé de réunir nos deux activités. Mais aussi, on intervient effectivement dans des communes où on travaille avec les élus directement, beaucoup de CCAS ou de centres sociaux ou d'espaces culturels, de choses comme ça. C'est le cas à Cornimont, par exemple. Comment ? Oui, c'est le cas à Cornimont, exactement. Ouais. On va faire un petit coucou à Laurent, qui est quelquefois aussi notre partenaire. Oui, exactement. Donc là, effectivement, c'est en partenariat avec l'espace culturel et Jocelyne pour ce projet et du coup le conseil départemental. Ouais. Mais on travaille également avec certains hôpitaux, certains centres de rééducation et puis aussi certaines associations. On travaille avec la Ligue contre le cancer. On va travailler prochainement avec l'ORCEP, donc pour les personnes atteintes de sclérose en plaques. Voilà, puis il y en a d'autres, hein. Il y a la France Alzheimer, France Parkinson, où on est susceptible un jour de pouvoir proposer des ateliers avec eux, par exemple. J'ai une question que j'ai oublié de poser à Jocelyne. Il y a un diplôme de sophrologie ? Bien sûr, je suis diplômée, donc depuis 2009, j'ai suivi mes... Et qui délivre ce type de diplôme ? Alors, c'est l'école dans laquelle j'ai suivi ma formation. C'est l'Institut de formation à la sophrologie de Catherine Aliota, qui, à l'époque, avait une seule école à Paris, dans le 10e arrondissement. Et ce diplôme est délivré après 300 heures de formation. Donc n'est pas délivré en 48 heures, est délivré avec une partie bien sûr théorique, une partie pratique, et ce sont les écoles qui les délivrent. Ces écoles, avec l'Observatoire national de la sophrologie, dont je vous parlais tout à l'heure, se sont regroupées avec un cursus commun de 300 heures, et sachant qu'il y a 60 écoles de sophrologie en France, 40 écoles ont signé ce partenariat de mettre en place des études de sophrologie avec ce cursus de 300 heures, et donc une certification, un diplôme qui sont quelque chose qui... Donc un cursus qui est uniforme pour toute la, pour alors, toute la France. Pas forcément uniforme, mais en tout cas de 300 heures. Il y a plusieurs écoles quand même de sophrologie. Il y a 60 écoles de sophrologie et 40 ont adhéré à ce protocole qui met en place les 300 heures de formation. Ces écoles les mettaient déjà en place avant cet observatoire. C'est-à-dire quand on parle d'école, il y a des méthodes légèrement différentes d'une école à l'autre. Alors après, comme je vous disais, il y a des écoles qui vont apprendre la sophrologie par correspondance. Il y a des écoles qui vont apprendre la sophrologie en 48 heures. En ce qui me concerne, vous avez un diplôme. Ce n'est pas les écoles qui ont signé l'accord avec de partenariat des autres 40 écoles. C'est vraiment après ce cursus de 300 heures et de pratique et de théorie. Et ce cursus de 300 heures, oui, dispense le même enseignement, la même formation. Je pense, de toute façon, il n'y a qu'une sophrologie. Oui, c'est Caicedo qui a créé cette pratique et la sophrologie est caicédienne. Après, l'apprentissage est peut-être différent, la durée est peut-être différente, mais le contenu est en tout cas de la sophrologie. L'apprentissage est permanent aussi. L'apprentissage est permanent, c'est une remise en question permanente. Quand je disais tout à l'heure que la séance, je la construis avec ce que me livrent les personnes, c'est de la remise en question permanente. Bien sûr. C'est très important de se remettre en question et de se former de manière permanente par d'autres compléments de formation, par la lecture, par des partenariats. Enfin voilà, c'est de la formation continue. Partager les expériences, le vécu. Je pose la même question. À Aurélie. Sur les formations. Sur les formations, les diplômes, ouais, etc., qu'on peut acquérir, parce que c'est assez nouveau. C'est l'université, oui, de Nancy qui dispense. Il y en a plein. Moi, par exemple, je viens de Orléans. Pour ce qui nous concerne, je veux dire. Ah oui. Ici, sur oui, la. Bien sûr. Alors, effectivement, il y a la faculté de STAPS de Nancy. Il y en a une également sur Épinal qui fait la première année. Et ensuite, les étudiants doivent aller sur la faculté de Nancy. Donc, STAPS, c'est une faculté de sciences et techniques des activités physiques et santé. Ça fait partie de Nancy 2. Comment ? Ça fait partie de l'université de Nancy 2 ou c'est non, pas du... oh, non. Je sais pas parce que comme j'ai pas fait mes études dans le coin. Ah d'accord. Non, je suis pas vosgienne. Non. Non, et puis du coup voilà, nous c'est minimum en tout cas pour travailler dans l'association, c'est minimum la licence. Donc c'est bac plus 3 dans cette faculté de sport avec il faut choisir la mention APA pour activité physique adaptée. Donc il y a que comme ça qu'on peut rentrer dans l'association, puis ensuite on peut aller beaucoup plus loin avec un master voilà. En tout cas, il faut passer par cette licence-là, cette licence APA. Qui est assez nouvelle. Eh bien oui, c'est assez nouveau. Oui, c'est... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais ça fait que quelques années, effectivement, qu'elle existe, puisqu'avant, on considérait que notre travail, c'était les kinés, par exemple, qui pouvaient la faire. Donc, le métier d'activité physique adaptée a été créé pour vraiment, et on a du mal encore aujourd'hui à différencier les interventions de kiné et les interventions d'activité physique adaptée. C'est pourtant assez différent, les kinés. Oui, c'est complètement différent. Le kiné va manipuler. Bon, après, je ne suis pas kiné, mais les kinés vont manipuler la personne. Et puis ensuite, nous, on va essayer de faire retrouver des capacités à ces personnes pour qu'ils puissent s'adapter à leur retour à domicile, par exemple. S'adapter à leur quotidien et du coup en utilisant l'activité physique adaptée. Ouais. Et là encore, on peut parler de complémentarité par rapport aux conditions médicales. Exactement, effectivement. Ouais. On est complémentaire du kiné, on ne veut pas et on ne peut pas remplacer les interventions du kiné. Donc la personne, la plupart du temps, elle va d'abord passer, après une hospitalisation, va d'abord passer par des séances de kiné et ensuite seulement quand il aura déjà retrouvé une certaine mobilité d'une articulation ou autre, on va pouvoir nous ensuite intervenir à côté. Ouais. Et donc nous, on va travailler sur tout ce qui est équilibre, coordination, aussi le réflexe et le travail en double tâche, donc les capacités cognitives avec la mémoire aussi. On va également travailler l'endurance, le renforcement musculaire, voilà, toutes ces capacités physiques. Et quand on est en collectif, on apporte également ce côté social, avec en faisant des rencontres, en pouvant parler, les bénéficiaires peuvent parler de leur maladie avec des personnes qui sont atteintes également de cette même maladie, donc ça peut faire du bien, enfin ils nous le disent, hein, ça leur fait du bien d'échanger avec ces personnes qui ont vécu les mêmes traitements, les mêmes conséquences. Et c'est là que vous rejoignez la sophrologie. Exactement, c'est tout à fait ça. Oh, parlons activité physique, puisque ça, c'est là l'essentiel de votre rôle. Quelle activité physique on peut préconiser par rapport à des traumatisés, par exemple? On peut s'adapter à tout, en fait. On va vouloir répondre, en fait, aux attentes et aux objectifs de la personne. Donc, en fonction de ses attentes, de ses objectifs, mais aussi de ses goûts, parce qu'on va pas leur proposer de la marche à pied s'ils aiment pas marcher, par exemple. Donc, on peut proposer toute une diversité d'activités. On peut faire de la marche nordique. On va pouvoir faire aussi du vélo. On va pouvoir leur faire du renforcement musculaire, de la boxe, par exemple, des activités de fitness, du step. Voilà, et j'en passe, hein, c'est toute une diversité, du ping-pong, du badminton. Un accompagnement par rapport à ce que la personne veut faire, exactement, peut ouais, faire. Exactement, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il veut faire, et pour répondre à ses objectifs et ses attentes, effectivement. D'accord, ben, le retourne rapidement. On a un petit peu dépassé notre temps, mais bon, l'IA, Amélia n'est pas en train de nous faire les gros yeux, ça va. Voilà. En vous remerciant, alors ce projet-là, il est déjà en... Alors sur Cornimont, il a déjà commencé depuis plusieurs semaines, depuis le 4 juillet. Et puis sur Saint-Dié, on va commencer le 31 juillet. Donc demain, effectivement. Ah bon, c'est vrai, demain. Ça tombait bien, cette émission. Puis on a pour objectif, du coup, de le développer ensuite sur plein d'autres communes. Bon, je pense que vous reviendrez. On pourra. Pour parler un petit peu du bilan, peut-être. Oui, on pourra. Avec plaisir. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Je souhaite une très très bonne fin de soirée à toutes et à tous, nos auditeurs. Et je leur donne rendez-vous à mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.